Nous sommes tous perdus. Mais où l'as-tu entendu? C'est dans le Coran que je l'ai lu. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr. Par le temps. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Innal insana lafi khusr. L'homme est certes en perdition. Illa alladhina amanu. Sauf ceux qui croient. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihat. Sauf ceux qui croient et accomplissent les bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. S'enjoignent mutuellement la vérité et s'enjoignent mutuellement l'endurance. الوقت كالسيف ان لم تقطعه قطعك. Le temps est comme une épée, si tu ne le coupes pas il te coupe, si tu ne le tranches pas il te tranche, si tu ne profites pas le temps finira, c'est-à-dire il te gaspillera et il t'usera. ولهذا الوقت اهم ما يملكه الانسان. Le temps est la chose que l'être humain est la chose la plus importante que l'être humain possède. Car ceux qui n'ont pas profité de leur temps, quand la mort viendra sur eux, qu'est-ce qu'ils diront ? An taqul nafs ya hasrata ala ma farrattu fi jambillah wa in kuntu lamina as-sakhirin aw taqul law anna Allah hadani lakuntu min al-muttaqin aw taqul hina tara al-'azab law anna li karratan fa akuna min al-muhsinin bala. قد جاءتك آياتي فكذبت بها واستكبرت وكنت من الكافرين ويوم القيامة ترى الذين كذبوا على الله وجوههم مسودة أليس في جهنم مثوى للمتكبرين. Ceux qui n'ont pas profité de leur temps, ceux qui ont négligé leur temps, quand la mort viendra sur eux, quand la mort tombera sur eux, ils diront comme Allah subhanahu wa ta'ala le décrit dans le Coran, Allah sait tout ce qu'il y aura. Ils diront, comme Allah subhanahu wa ta'ala le dit, afin qu'une âme se dise, bien sûr, le jour que la mort tombe sur sa tête. Regret pour moi et malheur à moi pour tout ce que j'ai délaissé et pour le temps que j'ai gaspillé, pour les ordres que j'ai négligés. Et j'étais parmi les railleurs. Je me moquais du temps. Je me moquais de mon temps et je n'en profitais pas. Afin qu'une âme se dise le jour de sa mort, ceux qui n'ont pas profité de leur temps, le jour de leur mort, ils disent, qu'est-ce qu'ils vont dire? Si Allah subhanahu wa ta'ala m'aurait guidé, je serai parmi les craintifs, parmi les pieux. Ou afin que cette âme se dise, une fois vu le châtiment, une fois qu'elle voit le châtiment, c'est là qu'elle va dire, law anna li karra, si seulement j'avais un retour dans ce bas monde-là, si seulement je pouvais retourner dans ce bas monde-là, Rabbi rji'uni la'alli a'malu salihan. Si seulement j'avais un temps pour retourner dans ce bas monde-là, pour que je sois parmi les bienfaiseurs. Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes, qad ja'atka ayati. Certes, mes preuves, mes versets, les preuves évidentes te sont parvenues. Mais tu les as démenties. Mais tu en as tourné le dos. Et tu t'es enflé d'orgueil. Et tu faisais partie parmi les gens orgueilleux. ولهذا أخبر الله سبحانه وتعالى حال هؤلاء الناس فقال جل وعلا في حق من يقول رب ارجعوني لعلي أعمل صالحا لعلي أعمل صالحا فيما تركت كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم في جهنم خالدون تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون. Et ces gens-là qui n'ont pas profité de leur temps, ces gens-là qui ont négligé leur temps, à toute personne de 15, 20 ans ou bien avant, 20 ans, 30 ans, 40 ans, quel âge que tu as, que tu sois petit ou grand, le temps tu es dedans. Le jour de la mort, ces gens-là qui n'ont pas profité de leur temps, ces gens-là dans leur temps, dans le temps qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné, ils l'ont négligé, ils étaient en train de pécher. Qu'est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit? Ces gens-là diront le jour de leur mort: oh Allah, accorde-nous un retour pour ne serait-ce faire une seule bonne œuvre. Dire une fois subhanallah, dire une fois astaghfirullah, faire une seule prière, une seule bonne œuvre, saliha, de ce que tu as délaissé. Kalla, Allah subhanahu wa ta'ala dit, certes que non. C'est une parole bien sûr qui a été dite. Et bien sûr derrière eux, après leur mort, il y a une barrière, al-barzakh. La vie entre la barrière, le temps entre la vie et la mort. De la mort jusqu'au jour de la rétribution. Et le jour qu'on soufflera dans la trompe, il n'y aura pas de parenté parmi eux. L'autre, il ne va pas dire: mon frère, donne-moi une hasanat. Là, non. Même la mère qui aime son fils, si son fils demande à sa mère: oh mère, donne-moi ne serait-ce une seule hasanat pour que je puisse réussir, sa mère refusera. Et de même, si la mère demande à son fils, le fils refusera. Car tout le monde aurait besoin de chaque œuvre, ne serait-ce que le fait de dire subhanallah. Rapprochez-vous, inshallah, faites de la place pour vos frères. Qu'Allah nous fasse tous de la place au paradis. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit: celui dont sa balance s'est alourdie, celui qui a fait de bonnes œuvres, celui qui a profité de son temps et il a consacré son temps dans l'adoration, et par ceci sa balance s'est alourdie, ce seront ces gens-là, ils seront parmi, bien sûr, les gens qui ont réussi ce jour-là. Ce jour qu'Allah subhanahu wa ta'ala a nommé Yawm al-Tarabul, le jour de la grande perte. Mais quant à ceux dont leurs balances sont légères, ceux qui ont négligé leur temps, ceux qui ont négligé l'adoration, ceux qui disaient on était jeunes, ceux qui disaient on n'avait que 15 ans ou que 20 ans, même celui qui a 40 ans, il dit je n'ai que 40 ans, j'ai le temps devant moi. Celui qui a 80 ans, il dit que j'ai que 80 ans, j'ai le temps devant moi. Chacun voit le temps très loin, c'est comme un élastique. Il est très petit, mais quand tu tires, tu vois qu'il est long. Shaitan, il te le tire et toi, tu le vois long. Mais une fois qu'il le lâche, là, tu vois que tu n'avais rien. À celui dont sa balance s'est allégée, il n'a pas profité de son temps pour remplir cette balance. Allah subhanahu wa ta'ala dit quoi? C'est ceux qui ont causé à leurs propres âmes, la perte. Quelle perte? Qui est la plus grande perte? Qui est l'éternité en enfer et qu'Allah nous en préserve. Le feu brûlera leur visage et leurs lèvres seront crispées. Allah subhanahu wa ta'ala dit après: Alam takun ayati tutla alaykum wa kuntum biha tukadhibun. Mes versets, mes preuves, mes signes et mes ordres ne sont-ils pas parvenus? Mais qu'est-ce qu'on en a fait des ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala? On a tourné le dos et on s'enflait d'orgueil. Allah subhanahu wa ta'ala lui dit: Ya ayyuhal ladhina amanu. Combien de fois Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran dit: oh vous qui avez cru. Oh vous qui avez cru. Allah il s'adresse à nous tous dans le Coran. Ces gens-là qui ont perdu leur temps, qui n'ont pas profité de leur temps, ils seront dans une perte évidente. Et ils diront: Rabbana ghalabat alayna shiqwatuna wa kunna qawman dallin. ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. Et ces gens-là diront: oh Allah, nous nous sommes opprimés, L'égarement a pris le dessus sur nous. Et on était parmi les égarés. Oh Allah, oh notre Seigneur, fais-nous sortir de cet enfer. Fais-nous sortir de cette fournaise. Car si on y retourne, on sera parmi les gens les plus injustes. Allah subhanahu wa ta'ala va leur répondre en disant, restez-y, ne me parlez plus. Restez-y, ne me parlez plus. أولاً ينادون مالك ونادوا يا مالك ليقضي علينا ربك قال إنكم ماكثون. Ils vont appeler Malik, le gardien de l'enfer. Ô Malik, dis à ton Seigneur de nous tuer. Ils ne supporteront pas le châtiment. Ils voudront mourir. Ils voudront périr. Ils vont dire, ô Malik, dis à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre une fin à nous. On meurt, c'est mieux que de continuer dans ce châtiment. Qu'est-ce qu'il va dire? Irsa'u. Il va dire, vous allez y rester. Laqad ji'nakum bil haqqi walakin aktharakum lil haqqi karihun. La vérité, nous sommes venus avec, nous vous l'avons montré, mais beaucoup d'entre vous ne veulent pas la vérité. C'est haram, je m'en moque. Fais la prière. Viens faire la prière en groupe, c'est une obligation. Vous nous fatiguez. On déteste la vérité. La musique, c'est haram. Ne nous fatiguez pas. Car ils détestaient la vérité. Et c'est là qu'ils vont se retourner vers Allah, demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et entre la réponse de Malik, comme le disent les savants, et la réponse d'Allah subhanahu wa ta'ala, il y aura 1000 ans. Et quand Allah subhanahu wa ta'ala va les répondre, eux vont croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala va leur donner une bonne réponse. C'est là qu'Allah subhanahu wa ta'ala va dire, restez-y, ne me parlez plus. Qu'Allah nous en préserve. Et ça, c'est qui ces gens-là? C'est ceux qui ont négligé le temps. Ils n'ont pas profité du temps. Allah, il nous a donné un chèque 24 heures. Le jour du jugement, tu seras questionné pour chaque seconde que tu as vécu sur cette terre-là. Chaque seconde. Si une fois tu étais là avec tes compagnons et que vous parliez et que vous n'avez pas glorifié Allah subhanahu wa ta'ala, vous n'avez pas parlé d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit dans un hadith authentique, quand un peuple se réunit dans un endroit et qu'il ne glorifie pas Allah subhanahu wa ta'ala, il ne parle pas d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est comme s'ils étaient là réunis sur le cadavre d'un âne. Et ce moment-là serait un regret pour eux le jour du jugement. Combien d'endroits, combien de moments, combien de temps on se réunit, mais on parle de quoi? Si ce n'est pas de musique, de femmes, si ce n'est pas de femmes, de voitures. Que les choses, la jouissance trompeuse de ce bas monde-là. Les jeunes, surtout. Cette société qui nous aveugle, il nous bafoue toutes choses. Toutes choses est bafouée à nos yeux. On ne voit plus rien, on est aveugle. قال تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتي فنسيتها وكذلك اليوم تنسى قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. الله سبحانه وتعالى ceux qui se sont détournés de notre rappel, bien sûr, ce sont ceux qui n'ont pas profité de leur temps. Ils mèneront une vie pleine de gêne. Ils mèneront une vie pleine de gêne dans ce bon monde-là, dans leur vivant, dans leur tombe et dans l'au-delà. Et le jour du jugement, ils seront aveugles. C'est le cœur qui seront aveugles. Le jour du jugement, la seule chose qu'ils verront, le feu de l'enfer. Il n'y a que ça qui va se présenter à eux. Car, pourquoi seront-ils ressuscités aveugles? Parce que dans ce moment-là, ils étaient aveugles. Ils ont oublié les versets d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le jour du jugement, ils seront oubliés. Allah subhanahu wa ta'ala, je prends le temps. وهذه السورة يقول الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو ما أنزل الله على خلقه حجة إلا هذه السورة لكفته. الإمام الشافعي رحمه الله يقول que si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait descendu à sa créature que cette sourate là, elle aurait suffi comme preuve. Si Allah subhanahu wa ta'ala n'aurait descendu du Coran que cette sourate là, elle nous aurait suffi. لماذا؟ لأن في العصر يتحقق سعادة الإنسان وخسارته. Car c'est dans ce temps-là que la réussite de l'être humain et sa perte s'authentifient. ولهذا قال جل وعلا إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. إن الإنسان لفي خسر. Et c'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala dit: certes, l'être humain est dans la perdition. L'être humain est dans la perdition. Aslul insan, la base de l'être humain, il est dans la perdition. Tout être humain est dans la perdition. Et dans l'égarement. Et dans la perte. Tout être humain est dans la perte. C'est-à-dire, on va tous y passer. Sauf. Allah subhanahu wa ta'ala dit, illa alladhina amanu. Illa. Sauf les quatre catégories qu'Allah subhanahu wa ta'ala va citer. Tout être humain qui n'a pas ces quatre catégories, qu'il se dise qu'il est dans la perdition. Manhum, manhum alladhina yanjawna alladhina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ja'alana Allahu minhum. Les seules personnes qui seront secourues, qui ne seront pas dans la perdition, c'est ceux qui ont connu l'importance du temps. Allah subhanahu wa ta'ala les décrit, dit amanu. Ceux qui ont cru. Amanu. Ceux qui ont cru, ils ont eu la croyance. Wa amilu salihat, et qu'ils ont fait de bonnes œuvres. Wa tawasaw bil haqq, et ils se sont conseillés la vérité. Ils se sont ordonné le bien, comme le frère le disait tout à l'heure, et se sont interdit le mal. Et ils se sont conseillés, bien sûr, la patience. Hadha al-waqt wa ayyuha an-nas. Ce temps-là dont on doit profiter. Allah subhanahu wa ta'ala dit, à part ces quatre catégories-là, tout le reste est dans l'égarement et tout le reste est dans la perdition. Si tu n'as pas ces quatre choses-là, dis-toi que c'est fini pour toi. Tu es dans ce bon monde-là, c'est fini pour toi. Al-Iman. Amanu, on dit ceux qui ont cru. Mais on croit que ceux qui ont cru, c'est ceux qui ont dit la ilaha illallah, c'est tout. Même les kafirs aujourd'hui, il y en a qui disent la ilaha illallah. C'est pas seulement la langue, non. Si ce serait ça, ce serait facile de rentrer au paradis. Al-Iman, i'tiqadun bil jinan, wa qawlun bil lisan, wa amalun bil arkan. La foi et la croyance n'est pas une parole seulement dans la langue, mais c'est une certitude dans le cœur qu'il faut avoir d'abord. Un amour profond pour cette foi-là. Et une parole qui authentifie et qui parle et qui décrit cette foi intérieure. Est-ce que ça suffit de dire que moi je suis croyant? Il faut pratiquer. Il faut que ça se traduise par l'action. Ça ne suffit pas de dire je suis musulman. Il faut que ça se traduise par l'action. Combien de gens, comme le frère le disait tout à l'heure encore, et malheureusement, ont appris le Coran. Le Coran, ils l'ont dans la tête. Fal Coran ou imma hujjatul laka wa alayk. Le Coran est une preuve soit pour toi ou soit contre toi. Qu'Allah fasse le Coran une preuve pour nous. Hafiz al-Quran. Ils ont appris le Coran. Walakinnahum ma'a al-asaf. Wa la anqulu lakum illa al-haqqan yaqin. Unasun a'rifuhum. Et je ne vous dis que la certitude. Et de choses et de faits réels, des gens que je connais. Hafiz al-Qur'an. Yadhhabuna ila an-nawadi al-layliyya. Ka'as al-khamri fi aydihim. Yarqusuna ma'a al-banat. Ma'a dhalika yatluna ayat at-tahrim, ayat tahrim al-khamr. Wa hum sukara. Des gens qui ont appris le Qur'an, qui vont en boîte de nuit. Les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala dans ta tête en boîte de nuit. Qu'Allah nous préserve. En boîte de nuit, en train de danser, en ayant le verre de vin dans sa main, et en même temps il cite le verset qui interdit l'alcool. Que dites-vous de ces gens-là? Qu'est-ce que où le Coran va-t-il les mener, ces gens-là? Au paradis? Là. Fa al-Quran man ja'alahu amamahu qadahu ila al-janna wa man ja'alahu khalfa dhahri qadahu ila an-nar a'adhana Allah minhu. Le Coran, celui qui le met devant lui, il le mènera jusqu'au paradis. Et celui qui le met derrière lui, il le traînera vers l'enfer et qu'Allah nous en préserve. Al-Quran, ya ayyuha al-ikhwa. Hada khitabun ilayya awwalan. Je m'adresse à moi d'abord. Ensuite, je m'adresse d'abord à tous ceux qui ont appris le Coran et qui se sont détournés du chemin. Combien de gens qui sont sortis avec nous dans la même école? Le Coran dans leur tête, mais a'udhu billah. Tu les vois, wallahi, jamais tu vas dire ça à un musulman. Il y a quelqu'un, c'était un buveur d'alcool. Il dit que le verset qui interdisait et qui interdisait l'alcool, il l'a entendu de la bouche de quelqu'un qui avait appris le Coran pendant qu'il dansait, il buvait l'alcool. Si ceux que Allah subhanahu wa ta'ala leur a donné le bienfait d'apprendre le Coran et sont comme ça, qu'en est-il des autres? Qu'en est-il des autres? ولهذا علينا أن نعرف هذا الوقت. Faut qu'on sache ce temps-là et qu'on ne gaspille pas ce temps-là. Car Allah subhanahu wa ta'ala nous montre que ce temps-là, c'est soit il te mènera vers ta réussite, soit il te mènera vers ta perte. الوقت أيها الإنسان, le temps. Qu'on se pose la question, qu'est-ce qu'on fait de notre temps? علينا أن نغتنم الفرصة. Faut qu'on profite du temps, chaque seconde, chaque respiration qu'on fait. Il faut que ce soit une adoration. Où je vais, c'est un endroit d'adoration. Celui qui sort dehors, il faut qu'il ait l'intention pour aller adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'en est-il de celui qui sort pour aller en boîte de nuit? Celui qui sort pour aller danser avec des femmes? Celui qui sort pour aller je ne sais où, à un concert? S'il meurt en chemin, il rentre comme s'il, c'est comme s'il il était parti le faire et c'est comme s'il l'avait fait. Les œuvres ne valent que par leur intention. Le temps, mes frères, al-waqt, le temps, on doit en profiter. Le temps est très cher. Le temps ne se récupère pas. Le temps, une fois qu'il part, il ne revient plus. Et si ça nous montre une chose, quand on voit le soleil tourner et qu'il ne s'arrête pas, ça nous montre que le temps, bien sûr, il faut l'encadrer. Il faut l'encadrer dans l'adoration, dans la glorification, dans la récitation du Coran. Appliquer et suivre. C'est pour ça, mes frères, le temps, il faut s'en accrocher. Allah subhanahu wa ta'ala dit les quatre catégories, ce sont ces gens-là qui vont réussir. Et qu'Allah fasse qu'on soit parmi ces gens-là. Amanou, une croyance qui les a poussés à pratiquer. Mes frères, ne dites pas qu'on est jeunes. Wallahi, la mort, elle ne choisit pas. Hadhi min lazzat. وفي رواية هادم اللذات مفرق الجماعات.